Il est midi 55 minutes. Allo Bandoa et Telakabine Technique au micro, vous êtes avec Vestine Boutoui. Bonjour mesdames, messieurs, auditeurs de la radio Isanganiro, bienvenue à l'écoute de ce journal de la mi-journée de ce jeudi dont voici les grands titres. Le ministère de l'Intérieur lance ce jeudi en Ngozi une campagne de vaccination du petit et grand bétail contre l'épizootie dite fièvre de la vallée du Rift. Dans cette même province en commune Mumba, les chèvres de race alpine sont toutes vendues. Durant ces derniers jours, vous entendrez les détails au cours de ce journal. Et le président de l'Observatoire national de lutte contre la corruption et la malversation économique regrette l'incapacité de la société Tanganyika Sugar Company de produire du sucre alors qu'elle possède des cannes à sucre sur une étendue de 2400 hectares lui accordée depuis 2010. Des citadins de Bujumbura apprécient la campagne de zéro nid de poule et plaident pour son expansion sur tout le territoire national. Voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, ouvrons ce journal par la page coopération. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, voyage ce 21 juillet à destination d'Arusha en République unie de la Tanzanie. Selon le communiqué du bureau en charge de la communication à la présidence, il y prend part à la retraite de haut niveau des chefs d'État de la communauté est-africaine sur le protocole portant création du marché commun prévu ce jeudi. Le même communiqué précise qu'il va participer au 22e sommet ordinaire des chefs de l'EAC qui aura lieu ce vendredi le 22 juillet. Et en page élevage, la campagne de vaccination du grand et petit bétail contre l'épizootie dite fièvre de la vallée du Rift débute ce jeudi en Ngozi. Cette campagne va être lancée par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire. C'est au moment où le pays comptait un cheptel de 800 000 bovins, plus de 3 millions de caprins et 300 000 ovins, selon le directeur général de l'élevage. Toujours en cette page, vente de toutes les chèvres de race alpine du centre d'innovation de Vigo en commune et Mumba de la province Ngozi. Ces chèvres avaient été importées à 3 millions de francs burundais chacune il y a à peu près 8 ans. Selon Emmanuel Minane, responsable de ce centre, la raison est que cette race n'est plus productive. Toutefois, il rassure qu'une commande d'une trentaine d'autres de races dites Gala est en cours. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Ces chèvres alpines sont arrivées à Vyegwa, en commune Mumba de la province Ngozi, en 2014, étant au nombre de 200 à raison de 3 millions de francs pour chacune, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive de la part des uns et des autres. Dans ce centre d'innovation de Vyegwa et ses projets caprins, il ne reste que 20 chèvres qui sont en vente au prix de 6 000 francs pour le kilogramme. Une chèvre de 50 kg coûte donc 300 000 francs pour actuellement. Le responsable de ce centre d'innovation indique que ces chèvres de race alpine sont vendues parce qu'elles ne sont plus productives. D'autres, une trentaine de nouvelles races dites Gala, ont été déjà commandées selon ce responsable. La population s'y rend massivement pour acheter ces chèvres, principalement les femelles. Parmi les mâles figurent celles qui sont trop vieilles, donc prêtes à abattre, selon Emmanuel Minane. Ces dernières années, ces chèvres ont été données petit à petit à la population environnante, selon son responsable. De Vyegwa, en province Ngozi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. En page économie, c'est une perte pour le pays et pour les Burundais en général de voir que la société Tanganyika Sugar Company n'a jusqu'ici réalisé son projet d'usinage du sucre sur une étendue de 2400 hectares lui attribuée depuis 2010. Déplore l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom. Gabriel Elofi, le président de cet observatoire, le dit après les lamentations des habitants de Bubanza qui exploitaient avant cette étendue. Suivez-les, et ses propos ont été recueillis par Evariste Nzikobanyang. C'était question des champs qui ont été attribués à la société Tanganyika Business Company. C'est une question quand même qui préoccupe les citoyens qui habitent tout autour de ces champs, mais en général, c'est une question qui préoccupe tous les citoyens burundais pour des raisons. D'abord, la première raison, c'est la raison qui est liée à la pénurie du sucre. Vous voyez, depuis plus de 10 ans, on espérait avoir une société qui allait compléter la Sosumo. Mais jusqu'à maintenant, rien n'a été fait. Et pourtant, on nous disait que ça allait vraiment être rapide. Nous pensons qu'il faut que des institutions compétentes puissent proposer des solutions. D'abord, il faut une commission multidisciplinaire qui va proposer des solutions, d'abord de la pénurie du sucre, mais aussi de cette question qui est liée à ces champs qui ont été attribués à cette société que je viens de nommer. Mais aussi, il y a des institutions comme la CNIDH, la Commission en charge des droits de l'homme, entre autres, traite ces questions économiques, mais aussi, il y a le Conseil économique et social, pourquoi pas l'Assemblée nationale, pourquoi pas le Sénat. Toutes ces institutions, normalement, sont là parce qu'ils sont payés par les citoyens pour trouver des solutions à toutes les questions qui sont posées. Et on espère bien que les pertes que nous venons de subir pendant plus de 10 ans, ça ne va pas continuer comme ça. Il faut que les institutions puissent agir parce que c'est vraiment urgent. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Il est 13h passé de 2 minutes aux yeux de la radio Isanganiro. Le journal est continué par la page infrastructure. Certains habitants de la ville de Bujumbura apprécient les travaux de bouchage et des nids de poules dans différentes routes de la ville. Ils disent que ces travaux contribuent à la réduction des cas d'accidents routiers. Ils souhaitent que de telles activités soient étendues dans d'autres routes, sur d'autres routes du pays. Suivez-les. Nous accueillons cela comme un développement. Ça protège nos enjeux et les personnes contre des accidents routiers. Il faut que d'autres activités se fassent dans d'autres routes. L'endroit où il y a de bonnes routes, il y a un développement. C'est une bonne initiative car scène de poule cause des accidents quand il a plu, même pendant la nuit, tu peux tomber dedans s'ils ne sont pas bouchés. S'ils sont bien bouchés, les véhicules circulent sans problème. Ça diminue les embouteillages sur les routes et permet aux véhicules de bien circuler. Là-bas, il y avait des nids de poules, mais aujourd'hui, tu vois que ça va parce qu'ils ont été bouchés. De ma part, c'est un bon projet, mais je pense qu'il ne fallait pas commencer par les routes du centre-ville, mais par celles de Charama et de Mutakura qui sont impraticables. C'est une bonne initiative. Et en page gouvernance, la réforme de la fonction publique au Burundi contribue à atteindre les objectifs de développement durable. Propos de l'assistant du ministre en charge de la fonction publique lors de l'ouverture d'un séminaire organisé par l'École nationale d'administration dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance économique et financière. Adolphe Banikwa encourage Elena à poursuivre sa mission de contribuer à l'innovation dans l'administration publique. On l'écoute. Cette réforme de la fonction publique au Burundi, comme dans de nombreux pays de la région, est un sujet important pour la transformation des institutions. Elle contribue à atteindre les objectifs de développement durable que nous appelons ODD. Mesdames, Messieurs, distingués invités, tout protocole observé, appuyer et accompagner la fonction publique burundaise dans ces projets de transformation embrasse les enjeux de formation, de services publics, de gestion des finances publiques, de modernisation et de digitalisation de l'administration. Ce séminaire s'attache donc à mettre en avant les interactions entre le Burundi et la France, aussi bien en termes d'approche, de problématiques, d'échanges d'expériences que de solutions mises en œuvre. Le gouvernement du Burundi s'apprête à mettre en place une politique de décentralisation par une réforme profonde de l'administration territoriale. Cette solution permettrait à l'ENA d'améliorer ses prestations dans l'accompagnement des réformes de la fonction publique burundaise. Et en page sécurité, les dénonciateurs des fraudes en commune et cabarolais de la province de Kayanza s'inquiètent de leur sécurité. Ils disent être menacés par les proches des fraudeurs après que ces derniers soient traduits devant la justice. Ils l'ont dit ce mercredi lors d'une réunion avec les agents de l'OBR sur la lutte contre la fraude et la contrebande devenue monnaie courante ces jours-ci en cette localité du pays. Les détails avec Patrick Kensengiyumva. Les membres des coopératives d'extraction des mines à Kabarole disent que bien que les rôles dans la lutte contre la fraude des minerais soient importants, les familles des fraudeurs traduisent devant la justice et les menaces de la communauté. Par exemple, ils parlent d'une plantation caféicole d'un informateur brûlé et un autre informateur tué à coups de balle il y a 3 ans. Ces informateurs demandent le renforcement de leur sécurité, étant donné que selon eux, avec la lutte contre la fraude à Kabarole, le rendement des mines a passé de 400 kg le mois en 2015 à plus de 25 tonnes depuis 2016, une année seulement après. D'autres habitants de la commune Kabarole déplorent qu'il y ait aussi des personnes dont ils préfèrent garder l'anonymat qui essaient de changer la nature de l'infraction commise en cas de l'un ou l'autre attrapé parmi les pratiquants de la fraude. L'administration communale Kabarole se dit préoccupée par la lutte contre la fraude en cette commune qui devient de plus en plus monnaie courante ces jours-ci. Sagouibe Kimas, administrateur communal, indique qu'il y a encore des récalcitrants, mais que conjointement avec les comités mixtes de sécurité, ils seront combattus. Willy Chiter est en charge de l'éducation des contribuables au sein de l'Office burundais des recettes OBR en sigle, appelle les habitants de la commune Kabarole à en découdre avec cette mauvaise pratique de la fraude, étant donné celui que des sanctions sévères sont prévues pour quelqu'un accusé de faire la fraude, de même que celui qui contribue d'une façon ou d'une autre dans la pratique de la fraude et la contrebande. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Sanganilo. Merci Patrick Nsengiyumva. En actualité internationale, en Côte d'Ivoire, face à l'inflation, le pays est sur le terrain pour faire respecter le blocage des prix. Comme nous le trouvons sur le site de la RFI depuis dimanche, l'État a accentué sa lutte contre les commerçants qui augmentent les prix, pourtant bloqués de certains produits comme le pain. Chaque jour, 400 inspecteurs du ministère du Commerce et de l'Industrie vérifie de manière inopinée les commerces du pays et n'hésite pas à les sanctionner. Et au Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe a prêté serment jeudi en tant que 8e président exécutif de l'île d'Asie du Sud plongée dans une crise historique, a indiqué son bureau selon la RFI à 73 ans, élu par le Parlement du Sri Lanka. Mercredi, il a prêté serment devant le juge de chef Jayanta Jayasuriya, au sein de l'enceinte parlementaire placée sous étroite surveillance, selon un communiqué de son bureau. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mais permettez-moi de vous rappeler un des principaux titres. Le ministère de l'Intérieur lance ce jeudi en Ngozi une campagne de vaccination du petit et grand bétail contre l'épizootie dite fièvre de la vallée du Rift. En cette même province, en commune de Mumba, les chèvres de race alpine sont toutes vendues durant ces derniers jours. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaïo pour la parfaite collaboration. Vestine Outou, j'étais à la présentation. Au revoir.